Bonjour à tous, vous êtes de retour sur une édition spéciale de What The, donc en français intitulée La Foutaise. Et puis c'est ça, alors semblerait-il que, encore une fois cette semaine, les gens de Souverain Anonyme ne sont pas ici présents. Alors, on va vous faire une petite journée spéciale de musique un petit peu différente, en espérant que vous allez savoir apprécier. Essentiellement, on va faire une reconstruction de l'album, du premier album de Garbage. C'est un album de quoi, 95-96. Ça va être rien que des B-sides puis des remixes. Alors, aucune des versions originales de l'album, c'est rien que des remixes par des gens généralement peu connus. Je pense que la personne la plus reconnue dedans, c'est Danny Saber. Et puis, c'est ça, en espérant que vous savez apprécier ce genre de musique. Alors, pour vous donner une idée, normalement, notre émission, c'est les mercredis de 8 à 10 le matin. Et puis, c'est une émission qui est relativement variée. Ça change de style en tout temps, d'un bord, d'une semaine à l'autre, là. Alors, si vous aimez quelque chose d'un petit peu différent, c'est une bonne idée de checker notre émission les mercredis. Alors, on va continuer avec notre émission telle qu'elle. Alors, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on a reconstruit l'album. Les remixes de tunes de l'album vont être dans le même ordre que normalement. Donc, Val va se retrouver comme étant la septième tune, évidemment, sur cette version-ci. Les tunes pour lesquelles on n'avait pas de remix, ça va être des B-sides, donc des tunes qu'on peut seulement retrouver sur leurs singles et puis à d'autres places très difficiles à retrouver. Alors, on continue donc notre fameuse journée Garbage, et puis on va avoir une tune que bien des gens reconnaissent. C'est une tune qui s'appelle Queer, sauf que c'est une version qui s'appelle Very Queer. Alors, un petit peu différent de l'original, puis après ça, une super excellente tune qui s'appelle Girl Don't Come. Alors, stay around, ça va être super bon, cette tune Girl Don't Come. Alors, checkez ça, on vous fait jouer ça sur les ondes de CHO 89.1 FM avec La Foutaise. Let me dirty up your mind. I'll strip away your heart veneer and see what I can find. The queerest of the queer, the strangest of the strange, the coldest of the cool, the lamest of the lame, the numbest of the dumb. I hate to see you here. You choke behind a smile, a fake behind a fear. The queerest of the queer. Alors, la succulente tune Girl Don't Come de Garbage. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Garbage, puis ils doivent en avoir des tonnes parce qu'ils ne sont pas si populaires que ça, mais ben, par ici du moins. Garbage, essentiellement, regroupe quatre membres particuliers. Il y a Shirley Manson, évidemment, qui, ben, évidemment pour moi, qui était dans un groupe qui s'appelait Angel Fish. Angel Fish, si vous connaissez pas ça, c'est un petit groupe pop rock, là. Très, très bon. Très, très, très bon. J'ai seulement rien, ben, j'ai rien qu'un album d'eux autres, d'ailleurs, je sais pas si non plus qu'un. Mais si vous avez la chance de checker ça, évidemment, là, ramassez-le, c'est super, super bon. Pas une mauvaise tune sur l'album, mais évidemment, c'est un album de 38 minutes, là, 12 tunes. C'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Butch Vig est un des membres de Garbage. Essentiellement, lui est reconnu pour avoir produit des albums de Nirvana, puis pour avoir remixé des tunes de Nine Inch Nails, puis en tout cas de d'autres groupes. Essentiellement, c'est plus un producteur qu'autre chose, mais il a fini par faire un groupe. Ce qui fait une combinaison relativement intéressante parce que leurs albums à Garbage sont très, très, très produits. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sampling, etc. Mais c'est probablement une des raisons pourquoi je les trouve super bons. C'est vraiment, vraiment excellent, leur stuff. Alors, Girl Don't Come, c'est une composition de Garbage que moi, je trouve vraiment, vraiment bonne. On retrouve ça sur le single de Only Happy When It Rains, qui est probablement ma tune préférée de cet album-là. On va continuer avec d'autres tunes que vous avez probablement jamais entendu eux autres. Trip My Wire, qui n'est pas une tune qu'ils ont écrit eux autres même, c'est un cover. Je ne sais pas de qui exactement, quoi, j'ai pas mes notes avec moi. Mille excuses. Quelle recherche que j'ai faite. Et puis, après ça, une tune qui s'appelle Butterfly Collector, qui encore une fois est une tune qu'ils n'ont pas écrit. Et puis après ça, on va compléter ce set-là avec une tune qui s'appelle Sleep, qui est vraiment une belle pièce d'à peu près 2 minutes, qui ont écrit eux autres mêmes, et puis qu'on retrouve encore une fois sur le single de Only Happy When It Rains. Alors les prochaines deux tunes, Trip My Wire et puis Butterfly Collector, vous retrouvez ça seulement sur des singles de Queer. Très difficile à retrouver maintenant. Et puis, ben c'est ça. J'espère que vous allez apprécier. Trip My Wire est super bon. Butterfly Collector est spécial. Ça a pris du temps pour que je m'y habitue. Mais en fin de compte, je la trouve vraiment, vraiment bonne. Alors, à bientôt. you wanted. You've achieved your aim by making the walking name. When you just can't get any higher, you use your senses to suss out the sweet climb. And the small thing that you require has brought you a typical status, but to me you're still a collector. Our boat was slowly sinking. You did. Alors, c'est la super belle tune Sleep de Garbage, encore une fois. Parce qu'on fait notre spécial Garbage aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi pas? J'aime bien gros ce groupe-là. Pour les années 90, je trouve que c'est la meilleure band qui est sortie des années 90, là. Honnêtement. Vraiment, vraiment excellent leur stuff. Alors là, j'ai juste un petit message spécial à faire pour, ben, plutôt aux gens de... Pas aux gens de CHO, pas les gens qui travaillent ici, les bénévoles, là, mais je veux dire, les gens qui font les émissions de CHO, là. C'est particulièrement à certains d'entre vous, ceux qui piquaient des disques compacts de la collection CHO. Vous êtes des cons, mais des cons, c'ti. D'une semaine à l'autre, on retrouve pas des disques compacts qu'on avait avant, là. Puis, franchement, c'est frustrant au max. Il y a aucune façon que quelqu'un puisse faire une émission ici, là, puis s'attendre à retrouver le matériel que, t'sais, voulu, là. Alors, si vous n'êtes pas parmi ces gens-là qui piquaient des disques compacts, ben, félicitations, merci beaucoup. Je devrais vous lancer un party quelconque, là, parce que, honnêtement, là, ces autres-là, là, en tout cas, si vous en connaissez qui piquaient des disques compacts, là, ben, by all means, là, comme, tapez-leur dessus, là, parce que c'est ridicule. C'est ridicule, ridicule, ridicule. En tout cas, je me sens mieux maintenant. Et puis, pour continuer notre fameuse célébration, maintenant que j'ai sorti mon poison, là, vous êtes des cons! Non, en tout cas, on va jouer trois tunes que vous reconnaissez sûrement. C'est pour ceux qui connaissaient Garbage. C'est trois tunes de l'album, dans l'ordre évidemment où on les retrouve. Il y a Vow, c'est une version que vous retrouvez seulement sur un single de Vow. C'est un single qui est très rare. Là. Il y a seulement la tune originale et puis aussi le remix. Le remix s'appelle Vow Torn Apart. Il ressemble pas énormément à l'original, mais il est très bon. Et puis ensuite, on rentre dans Stupid Girl, évidemment, ça va être une version de Danny Saber. Et puis, on va jouer Dog New Tricks, une version qui s'appelle Palmix, une version qui est un petit peu difficile à trouver aussi. Alors, étant donné que ça va être familier, j'espère que vous allez aimer ça. Et puis, après ça, on va rentrer dans une couple d'autres tunes que vous ne connaissez sûrement pas. Alors, Vow sur CHO 89.1 FM, l'édition spéciale de La Foutaise. Thank you. Alors, c'était la succulente Dog Nutrix. Et puis, c'est ça. Alors, essentiellement, Stupid Girl puis Val, c'est deux singles sur l'album. Dog Nutrix ne l'était pas, mais il y a une version remixée sur un des singles. Il me semble que c'est sur un des singles de Stupid Girl. À certains magasins, vous allez peut-être pouvoir retrouver encore ce single-là, mais c'est très... très difficile, là. Faudrait faire probablement plusieurs magasins. Les chansons à ce point-ci, si vous voulez les remix, ça serait soit, un, d'avoir copié cette émission aussi, ou deux, d'aller à l'Internet puis essayer de commander peut-être sur eBay ou quelque chose comme ça, là, d'autres collectionneurs. Alors, c'est ça. Ce point-ci, ce qu'on va retrouver, c'est une tune qui s'appelle Number One Crush. Vous allez peut-être entendre ça sur la trame sonore de Romeo and Juliet, là, la version moderne avec Leonardo DiCaprio puis... puis je sais pas comment elle s'appelle. Et puis, c'est ça. Alors, je pense que c'était une version remixée, ce qu'il y avait sur ce single, sur cet album-là. Voici la version originale. C'est une des premières tunes qu'ils ont composées ensemble. On retrouve ça sur un single qui s'appelle Subhuman. Puis justement, Subhuman, c'est la première tune qu'on a jouée aujourd'hui. Il y avait Subhuman, Number One Crush, puis la dernière tune, c'était Vow, qui ça donne à être sur l'album, les deux autres, non. Alors, Number One Crush, après ça, on rentre dans une tune qui s'appelle Driving Lesson. Puis si je me trompe pas, ça, c'est une tune qu'ils ont composée eux autres même. Pas étonnant, là, dans ce cas-ci, c'est une tune vraiment simpliste, il n'y a pas grand-chose dedans, là, mais elle est quand même relativement intéressante. Après ça, il y a une tune, la tune qu'on va finir avec, c'est une tune qui s'appelle Milk. Ceux qui connaissent Garbage connaissent cette tune, c'est la tune qui finit l'album. Mais soit c'est une version dans ce cas-ci qui s'appelle The Wicked Mix, et puis on retrouve Tricky sur background vocals. Alors si vous écoutez relativement bien, là, si vous avez une bonne réception chez vous, vous allez entendre Tricky dans le background en train de chanter en même temps que Shirley Manson. C'est une version relativement intéressante. Si on a le temps, après ça on va en jouer d'autres. Mais je pense qu'on va être en train de manquer de temps de la façon qu'on est parti. Alors on continue avec Number One Crush, une tune excellente. I'm Yeah.